Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est un vrai festin. Tous les dieux sont présents, attablés pour un banquet. Il y a Jupiter et Junon, bien sûr, Mercure et Neptune. Hercule fait le mariole quand Vulcain raconte des blagues là-bas, en bout de table. Bacchus, lui, est à la fête. Le festin des dieux est un sujet classique de la mythologie, un sujet efficace, un thème que les peintres ont repris. La scène est sympathique parce que souvent dans les religions que les chrétiens considèrent comme païennes, il y a des banquets. Chez les Vikings par exemple, les dieux font ripaille et Odin boit dans le crâne de ses ennemis quand il a à ses pieds ces loups monstrueux. Le pauvre mortel, lui, reste sur terre avec tous ses amis. Ils sont loin de ces banquets, ils vénèrent les idoles, ils sacrifient à ces dieux qui font bombance et qui, bien souvent, ne les écoutent pas. Oui, les dieux mangent, autrement dit, quand les gens appellent l'idole des jeunes. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous sommes toujours en quête des origines des monothéismes. Et oui, comment naissent les religions? Des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Mais ce matin, sur France Culture, nous allons sortir du monothéisme pour mieux comprendre le monothéisme. Nous allons nous intéresser à l'idolâtrie. Avec vous, Daniel Barbu, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes membre fondateur de la revue d'anthropologie et d'histoire des religions Asdival, je le prononce bien ? C'est juste. Merci. Vous avez notamment écrit « Naissance de l'idolâtrie, image, identité et religion ». C'est aux presses universitaires de Liège. Et avec vous, Lucie Malbos, nous allons parler des Vikings. Bonjour. Bonjour. Ah, là aussi, il va y avoir du paganisme à foison. Vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Vous avez écrit « Les ports des mers nordiques à l'époque viking, 7e, 10e siècle ». Tout un voyage qui va nous conduire dans cet univers étrange, hors du monothéisme, pour mieux comprendre le monothéisme. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien, qui assure également la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons retrouver un arpenteur de l'univers, Théodore Monod. Théodore Monod qui nous parle du symbolisme des océans et de l'eau dans les mythologies. L'océan, c'est le tout, c'est le grand tout. Vous savez qu'une série de mythologies font jouer un très grand rôle à l'océan primordial. Et alors on amène dans l'océan primordial une tortue, un œuf, etc., toutes sortes de choses qui se passent pour expliquer le cosmos actuel. Mais l'idée de la présence de l'eau à la base des grands cycles mythologiques, c'est en effet quelque chose de très profond, de très ancien, qui a joué un très grand rôle dans la pensée humaine et un très grand rôle dans le symbolisme religieux. Théodore Monod qui nous parle du symbolisme religieux sur France Culture, c'était en 1975. Daniel Barbu, Théodore Monod évoque cet océan primordial avec une tortue, pourquoi pas un œuf. Il y a dans le regard que les chrétiens notamment ont pu porter sur les autres religions une certaine forme de mépris. Nous le savons, ce qu'ils appellent le paganisme. On a ces mots-là qui viennent, l'idolâtrie, les idoles. Quelle honte de vénérer une idole. Mais avant toute chose, il faut peut-être rappeler ce qu'est une idole. Qu'est-ce qu'une idole ? Eh bien, en fait, c'est un mot qui, tel qu'on l'emploie aujourd'hui, a été effectivement inventé par les chrétiens pour parler de ces dieux que les autres vénèrent, c'est-à-dire ces statues qui était placé généralement dans les temples, dans l'Antiquité gréco-romaine, et qu'on pouvait voir un peu partout, à Rome, à Athènes et en d'autres lieux, et qui prenait en fait, qui était appelé de différentes manières. Il y a tout un vocabulaire de la statue de culte divine en grec et en latin dans les périodes classiques. Et tout cet ensemble, cette variété, si vous voulez, d'objets, de représentation des dieux, se trouve réduite dans le vocabulaire juif de langue grecque puis chrétien à sa suite sous ce seul vocable d'idole qui évoque aussi une notion de fausseté, de fumée, de vanité. C'est-à-dire, ce sont des statues, oui, mais des statues qui représentent des choses qui n'existent pas en vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, du point de vue chrétien, qui est véritable. Oui, c'est ça la question. Dans les monothéismes, que ce soit pour les juifs ou pour les chrétiens, il y a un Dieu unique, mais qui n'est pas incarné dans quelque chose. Et en l'occurrence, dans les attaques envers ceux qui vénèrent les idoles, il y a ça. C'est-à-dire, vous vénérez une statue, mais la statue n'est pas votre Dieu. Il y a toujours ce souci entre la représentation de Dieu et ce qu'est Dieu. Qu'est-ce que l'on doit vénérer? C'est vraiment ça aussi le conflit qu'il y a entre les chrétiens et ceux qu'on a appelés les païens. Effectivement. Et du coup, ce qui se développe aussi beaucoup à cette époque et qui va avoir une grande postérité, ce sont des récits, des mythologies en fait chrétiennes sur les origines de ces idoles. Au fond, comment se fait-il que si l'humanité a été créée une par Dieu à l'époque d'Adam et Ève, comment se fait-il qu'une si grande part de l'humanité se soit laissée dévoyer à vénérer des choses complètement aberrantes comme des statues de bois ou des statues de pierre? Et donc se développe d'abord chez les juifs, puis ensuite effectivement chez les chrétiens, un foisonnement de récits, si vous voulez, qui essaye d'expliquer, de trouver des théories, de raisonner sur les origines de ces idoles. Alors, une explication très courante, évidemment, c'est l'intervention du diable, le grand ennemi de Dieu, qui, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, a réussi et parvenu, si vous voulez, à corrompre les hommes et à les faire adorer des représentations des éléments du cosmos ou des divinités, plutôt que Dieu lui-même. Car effectivement, ainsi, il détournait vers lui les hommages que les hommes étaient censés rendre au Dieu unique. Oui, c'est là que l'on voit apparaître ces couples terrifiants. Il y a Dieu et le diable, il y a les chrétiens, si on est au premier siècle de notre ère, les chrétiens et les païens. En fait, c'est aussi une lecture du monde que permet cette attaque contre les idoles. C'est aussi important pour les chrétiens d'avoir un ennemi, d'avoir quelqu'un à cibler. L'ennemi, il est là, il est identifié, c'est l'idole ou l'idolâtre. Oui, alors moi, ce qui m'intéresse évidemment beaucoup, c'est que je pense que dans chaque société, chaque civilisation, on a des ennemis, on classe le monde entre nous et les autres. Mais ce qui m'intéresse du point de vue, si vous voulez, de l'histoire des religions ou de l'histoire des manières de penser la religion, c'est que là, l'ennemi est ennemi parce qu'il vénère le mauvais dieu ou il vénère les dieux d'une mauvaise manière. Alors, si vous voulez, par rapport au monde classique où on pouvait diviser les êtres humains selon qu'ils sont grecs ou barbares, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas grec et qu'ils ne connaissent pas les coutumes des Grecs, ils ne mangent pas du pain, ils ne boivent pas le vin de la manière correcte. Quand on passe du côté du christianisme, on a changé de régime d'altérité. Ce qui définit l'autre, l'ignorant, le sauvage, la mauvaise personne, c'est le fait d'adorer des idoles, et non pas le fait d'être dépourvu de coutumes ou de civilisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se développer dans les discours des premiers chrétiens, dans l'analyse qu'ils font de leur monde, c'est-à-dire il y a des dieux ennemis, il y a les dieux des autres. Il y a vraiment cet écart. Nous sommes hors de la religion chrétienne qui vient du judaïsme. Enfin, à la base, on est dans un monde vraiment identifié qui s'étend à partir de Saint Paul et qui définit clairement qui sont les ennemis. Ces ennemis, ce sont les dieux romains. Nous, les dieux, perdons nos pouvoirs. Nous pensions les titans emprisonnés à jamais. Aujourd'hui, ils se sont libérés. Ce sera le chaos. La fin du monde. La Colère des Titans, un film de Jonathan Liebesman en 2012. On sent très bien que c'est un petit film d'auteur confidentiel, c'est un énorme péplum. Mais cette colère des Titans, cette fascination pour les dieux, elle apparaît vraiment dans les écrits des premiers chrétiens, des pères de l'Église. Il y a une volonté d'identifier l'autre à travers ses dieux. Elle est importante, cette lecture, parce qu'il faut rappeler que ces chrétiens sont issus aussi de ce monde-là, monde gréco-romain, donc ils les connaissent très bien. Mais c'est là qu'il y a une véritable ambivalence qu'on va retrouver, notamment à propos des Vikings, je pense plus tard, c'est que ces chrétiens ont aussi construit cette antiquité païenne, ont fait de cette antiquité païenne un monument à abattre, mais qu'en même temps, en l'abattant, en écrivant à son sujet, ils ont préservé. Et donc, si vous voulez, ils ont aussi inventé une sorte de bibliothèque du paganisme avec des ouvrages, des idées, des choses qu'il fallait préserver. Car le christianisme se définit d'une part dans son opposition au judaïsme de l'Ancien Testament, autre monument du passé, et au paganisme. Donc il y a ces deux monuments historiques qui sont, si vous voulez, les deux angles en rapport auxquels le christianisme développe sa propre identité. Donc il y a une ambivalence dans le sens où ce sont effectivement des autres, et les juifs et les païens, face auxquels le christianisme va se définir, mais qu'en même temps il érige en monument de son propre passé. Et si vous prenez par exemple un livre fondamental pour la pensée occidentale, qui est La Cité de Dieu de saint Augustin, vous voyez qu'il y a là des pages et des pages qui sont consacrées à ce paganisme que l'on rejette à l'extérieur, effectivement, mais qui en même temps est une forme de fascination et qui est au fond la source aussi d'une culture chrétienne au croisement des chemins. Et tout le langage même de saint Augustin est fondé, si vous voulez, sur la rhétorique latine de Cicéron. Donc il y a là quelque chose qui reste une partie fondamentale de l'ADN, si vous voulez, de ce christianisme en train d'émerger. Daniel Barbu, vous parlez d'ADN, vous parlez des sources. Et pour les chrétiens, effectivement, tout s'appuie sur le monde juif, sur l'Ancien Testament tel qu'ils l'ont appelé. Et là aussi, on va trouver un épisode exceptionnel autour de la notion d'idole, c'est le veau d'or. C'est-à-dire que les chrétiens sont porteurs déjà par les textes de la lutte contre les idoles. Et cet épisode est essentiel dans la lecture de la lutte contre les idoles. Oui, alors effectivement, sauf que les chrétiens en font quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire que l'épisode du veau d'or, eux, leur sert à montrer que déjà les Hébreux vénéraient des idoles et donc qu'ils ont perdu leur droit à être le peuple élu de Dieu. Voilà, c'est quand les Hébreux sortent d'Égypte, ils ne font plus confiance à Moïse et au Dieu unique, et ils voient ressurgir un veau d'or, c'est l'idole. Mais comment cette lecture-là, qui est sans cesse répétée, c'est vrai que le veau d'or est quelque chose qui devient une référence, comment elle est reprise par les chrétiens pour lutter contre les paganismes? Alors, il y a deux manières de faire, c'est-à-dire une, c'est justement d'associer l'épisode du veau d'or à l'errance, à un moment donné où on était juste tout près de Dieu, sous la montagne du Sinaï et en train de recevoir la loi, et juste à ce moment-là, on se corrompt, on suit le démon et on vénère le veau d'or. Une autre manière de l'utiliser pour, si vous voulez, critiquer les paganismes, c'est de l'associer à tout ce qui est ce monde de la représentation de la religion de l'Égypte ancienne. Le veau rappelle le bœuf Apis, rappelle tous les discours des Grecs et des Romains sur la religion égyptienne, qui peuvent parfois prendre une certaine teinte de condescendance. Et donc là, on assimile ce veau que les Hébreux auraient vénéré en sortant d'Égypte au dieu des Égyptiens. Donc en fait, ils sont à quelque part restés en Égypte, alors même que Dieu les en faisait sortir. Et donc c'est une sorte de retour en arrière sur le chemin du monothéisme que vient incarner ce veau d'or. Et à partir de là, il peut devenir une métaphore pour tous les peuples qui étaient sur le bon chemin et qui s'en détournent. Ce matin sur France Culture, dans le cours de l'histoire, nous voulons comprendre comment la lutte contre les idoles a servi au monothéisme pour s'imposer. Vous en parlez, Daniel Barbu. On comprend très bien qu'il y a une volonté de rejeter les dieux des autres, les dieux des Romains, les dieux des Égyptiens, pourquoi pas. Mais il arrive un moment où, dans l'histoire, l'empire chrétien s'impose. Et il y a des chrétiens. On va dire que les dieux romains sont morts, car les dieux meurent. Et là arrive une autre forme de lutte contre les idoles, que vous associez d'ailleurs à cette forme de lutte contre le paganisme, c'est l'hérésie. L'hérésie est un moment aussi qui doit se comprendre dans cette histoire de la lutte contre les idoles. C'est ce dont a été confronté le héros du nom de la rose. Vous contemplez l'apocalypse, hein? Penitentia agite! Penitentia agite? Ma io non dico penitenziagite. Tu hai detto penitenziagite, je t'ai entendu. Sogni benedetti, io non è... Salvatore! Ci abbraccio, Gesù Cristo, e rinunzi al diavolo. Maître, quelle langue ce frère parlait-il? Toutes et aucune. Et quel était ce mot qui revenait dans votre bouche à tous deux? Penitenziagite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, sans nul doute, le bossu a été autrefois un hérétique. Penitentiagite était le cri de ralliement des Dolciniens. Les Dulcinia. Et qui étaient-ils, maître? Ceux qui croyaient en la pauvreté du Christ. Comme nous, franciscains. Mais ils ont aussi décrété que tout le monde devait être pauvre, alors ils ont massacré les riches. Tu sais, Adzo, il n'y a qu'un pas entre vision extatique et frénésie de péché. Et il est vite franchi. Le nom de la rose, un film de Jean-Jacques Haneau en 1986, d'après le roman d'Umberto Eco, avec une réflexion sur ce qu'est l'hérésie. Il n'y a qu'un pas. Et c'est vrai que les chrétiens qui veulent imposer leur dogme sont confrontés à l'hérésie. Il y a toute une réflexion, Daniel Barbu, que vous développez sur la manière dont les chrétiens, les penseurs, les pères de l'Église ont réfléchi à l'hérésie. L'hérésie est-elle un paganisme? Est-elle une idolâtrie? Oui, alors effectivement, c'est un problème qui se pose de manière récurrente dès les débuts du christianisme, parce qu'effectivement, ces effets corrosifs que sont ceux du diable et du démon sur les autres peuples, on les retrouve finalement au sein de ce christianisme en train de se développer. Et donc l'hérésie est une autre de ces grandes catégories de l'altérité qui se développe au IIe siècle. Et qui vient finalement, les choses bougent parce que des auteurs qui sont mainstream vont finalement devenir hérétiques, d'autres qui sont hérétiques vont devenir mainstream. Mais effectivement, les auteurs distinguent bien les deux choses, car l'hérésie c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du christianisme en train de se développer, mais qui peut être assimilé dans ses fonctionnements et ses origines au paganisme, dans le sens que l'un et l'autre sont envisagés comme justement des maladies infectieuses introduites dans l'humanité avec l'aide du démon. Il faut toujours préciser en plus que pour l'hérésie c'est compliqué, il faut savoir où on se place, parce que on est toujours l'hérétique d'un autre, il y a le double regard, et celui qui réussit, celui qui n'est pas hérétique, c'est celui qui a gagné. Mais cette réflexion sur l'hérésie est essentielle pour comprendre en fait le regard sur l'autre, mais surtout pour se construire soi-même. C'est-à-dire que dans la construction des monothéismes, il y a cette nécessité de jeter un œil à côté. Alors que ce soit vers le paganisme, que ce soit vers l'hérésie, pour se construire. En cela, l'idolâtrie est nécessaire en fait aux chrétiens. Aux chrétiens et aux autres religions monothéistes. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un fait anthropologique presque universel que de devoir se définir par rapport à un autre qui porte, si vous voulez, toutes les contre-valeurs du soi. Que l'on soit chrétien, il y aura des idolâtres ou des hérétiques. Et que l'on soit grec, comme je le disais avant, il y aura des barbares et des non-civilisés, des thraces et des sauvages, toutes sortes d'autres formes d'altérité. Mais en cela, effectivement, il est nécessaire qu'il existe des autres, ou au moins une pensée de l'autre, qui nous permet systématiquement de se définir. Et ce qu'on voit bien avec les chrétiens, c'est que des siècles après la chute de Rome et l'extension de l'Empire chrétien, dans la réflexion théologique chrétienne, il continue d'y avoir des juifs, des hérétiques, des idolâtres, car c'est en pensant ces autres que les auteurs et les théologiens chrétiens, même au début du Moyen-Âge, finalement pensent ce que veut dire être chrétien. Oui, et à partir du moment où l'on regarde l'autre, on peut mieux réfléchir à ce que l'on est soi-même. Et justement, les chrétiens du Moyen-Âge découvrent, après avoir abattu les dieux romains, pour simplifier, découvrent d'autres dieux. Nous allons écouter une lecture, c'est une ode du roi Ragnar Lodbrog. Alors là, nous sommes dans le monde viking, un monument de la mythologie et de la poésie des anciens peuples du Nord. C'est ainsi qu'était publié l'ouvrage en 1787. Nous allons dire que nous sommes pas loin des sagas, une lecture qui nous est faite par Nathalie Canoui. Et qui arrive cette lecture, Nathalie Canoui, avec la lecture de Roi du Nord, et ben on la retrouvera tout à l'heure. Mais je me tourne vers vous, Lucie Malbos. Justement, j'allais évoquer ces Vikings, parce qu'il y a la rencontre en fait entre des chrétiens et de nouveaux paganismes. Nous avons dit avec Daniel Barbu que, en gros, il a fallu abattre les dieux romains. Et puis après, combattre les hérésies. Mais les chrétiens découvrent de nouvelles religions avec de nouvelles idoles. Elles sont essentielles dans ce monde viking, ces idoles. Alors oui, effectivement, les idoles vikings ou le monde viking se construit de façon très différente du monde des chrétiens et finalement avec beaucoup de similitudes avec ces idoles gréco-romaines. On retrouve énormément de parallèles et beaucoup de figures peuvent être rapprochées, de figures divines des vikings peuvent être rapprochées des figures païennes. Si on pense à une déesse comme Freya, Freya c'est la déesse de l'amour, de la beauté. C'est Aphrodite, c'est Vénus. C'est aussi un petit peu Athéna Minerve, parce que c'est aussi la déesse de la guerre, c'est celle qui partage la lourde tâche avec Odin de recevoir les guerriers morts au combat lors du grand banquet que vous évoquiez justement en ouverture. Mais Freya, finalement, c'est aussi un petit peu la Vierge. Et c'est ça qui est intéressant. Freya, c'est une figure qui se construit et surtout qui se développe à partir vraiment du XIIe siècle, dans un contexte chrétien. Au XIIe siècle, les Vikings se sont convertis, sont christianisés, et des auteurs chrétiens comme Snorri Sturluson remettent au premier plan, développent cette ancienne mythologie païenne et puis établissent des passerelles. Et donc Freya devient la grande figure. Je vous le disais, au XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est l'époque où les cisterciens de Clairvaux sont en train de mettre au premier plan le culte de la Vierge. Ouais, c'est intéressant hein, de voir comment, en fait, il y a une adaptation du paganisme les uns avec les autres. Mais ça, c'est le fonctionnement de l'Empire romain. C'est le syncrétisme. C'est de dire on identifie tous les dieux avec des similitudes plus ou moins grandes. Donc, vous dites, vous, Lucie Malbos, que c'est un peu la même chose déjà avec les Vikings. On arrive à dire, mais c'est vrai qu'il y a un dieu de la guerre, il y a un dieu de l'amour, il y a le chef des dieux. Et à partir de là, on va tisser des liens avec le christianisme. Vous, Daniel Barbu, quand vous regardez l'idolâtrie, vous notez systématiquement un rejet complet ou parfois des passerelles qui peuvent être créées? Alors, avec ce qu'on appelle l'idolâtrie en pensée chrétienne, c'est un rejet complet. Le problème, c'est justement les gens qui vont créer des passerelles, c'est souvent une accusation qu'on porte aux hérétiques. Les hérétiques sont ceux qui se rapprochent un peu trop de l'idolâtrie et donc du monde extérieur. Mais effectivement, par contre, ce phénomène d'interprétation, tel qu'on le trouve chez les auteurs chrétiens pour parler des dieux scandinaves, c'est quelque chose qui était déjà à l'œuvre dans l'Antiquité. Jules César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, n'a aucun problème à identifier les dieux des Celtes aux dieux des Romains. Donc c'est une sorte de mécanisme d'interprétation des dieux qui est très ancien en vérité. C'est-à-dire que là où les Romains avaient su étendre leur influence religieuse en s'accaparant les dieux des autres, ou en tout cas en créant des similitudes, pour les chrétiens, il va y avoir une démarche complètement inverse. Et c'est vrai que nous avons l'image de l'évangélisateur qui s'avance un peu missionnaire et qui voit un arbre saint, qui prend une hache et qui veut le détruire. Mais c'est vrai que c'est un peu le topos quand on lit dans les vies de saints des martyrs. Il est martyr parce qu'il a voulu détruire l'idole. Quand on étudie les Vikings, Lucie Malbos, on est sans cesse en contact entre les chrétiens et les Vikings. Et ce ne sont pas des contacts toujours pacifiés tels qu'on les présente. Non, mais c'est important de le souligner. Alors que vous avez écrit les ports des mers nordiques à l'époque viking. Vous avez une autre réflexion là-dessus, en réfléchissant notamment sur le lien qu'il peut y avoir entre le commerce et la religion. Oui, effectivement, on a cette image de conflit. Moi, je préfère le terme de confrontation, finalement, parce que derrière le terme de confrontation, il y a l'idée de dialogue aussi, de circulation des idées. La confrontation, elle n'est pas nécessairement violente ou belliqueuse. Donc, on a ces images, vous faisiez référence à l'arbre, on peut penser à l'arbre sacré chez les Saxons, à l'Irminsul, mais ce sont des processus qui sont un petit peu plus complexes, et on se rend compte que finalement, dans les premiers temps, où les missionnaires, justement, arrivent volontaires, ça se passe mal. Et finalement, quand est-ce que ça commence à mieux se passer? Quand on s'adapte. Et quand on s'adapte aussi à la culture dans laquelle on essaye de faire passer un message. Ça se passe comment, cette adaptation? Alors, elle peut passer par différents moyens. Elle peut passer par des biais iconographiques, par exemple. Il y a au Danemark une superbe pierre runique, donc on est en plein chez les Vikings, qui se trouve sur le site royal de Jelling et qui présente une scène de crucifixion. Une scène de crucifixion, on est dans la deuxième moitié du Xe siècle, qui présente donc un Christ en forme de croix. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Christ, il n'est pas du tout cloué sur sa croix, comme on pourrait l'attendre dans nos représentations occidentales. Il est pris dans les branches de l'arbre de vie de la mythologie scandinave, dans les branches d'Yggdrasil. Et ce Christ, il n'est pas du tout représenté souffrant, il est représenté en gloire. Pourquoi ? Parce que le concept d'un Dieu souffrant, mourant, se sacrifiant pour le reste de l'humanité, c'est quelque chose qui est complètement étranger aux guerriers vikings. Donc on l'a représenté à la mode viking, à la mode scandinave, pour être sûr que le message va passer. Ça sera plus clair, plus compréhensible. Et c'est intéressant de voir ça parce que on va trouver des similitudes lors de la découverte d'autres formes de paganisme. C'est quand les Européens vont traverser l'océan et arriver en Amérique et découvrir les cultes, la pratique des Indiens, des Incas notamment. Et de là va naître toute une controverse, la célèbre controverse de Valladolid, mais toute une réflexion autour de ce que sont les Indiens, de ce qu'ils croient et de ce que font les chrétiens aux Indiens. J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. Éminence, les chrétiens ont oublié toute crainte de Dieu. Ils ont oublié qui ils sont. Oui, des millions, je dis bien des millions. À Cholula, au Mexique, et à Tapeaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques, et c'était facile. Parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres, ni de chevaux. Savez-vous, Éminence, qu'en certains endroits, les Espagnols se servent du sang de ces hommes pour arroser leurs terres. Les capitaines, on emmenait de longs cortèges enchaînés en expédition, et de temps en temps, ils disaient aux soldats, coupez un morceau de la cuisse de ce drôle-là et donnez-le aux chiens. Comme s'il s'agissait de quartiers de moutons. Dans certains camps, il y avait des étalages, des boucheries de chair humaine, des cuisses, des poitrines attachées à des poutres. Les Indiens, ils les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons ! Allons ! La controverse de Valladolid, un téléfilm, c'était en 1992 déjà, de Jean-Daniel Werenger avec Jean-Pierre Mariel en Bartholomé de Las Casas, quelque chose de magnifique. Daniel Barbu, je me tourne vers vous. C'est vrai que quand on réfléchit à la lutte contre l'idolâtrie, eh bien, nous avons quelque chose de similaire qui se produit à partir du moment où les Européens arrivent en Amérique, c'est-à-dire qu'ils retrouvent des réflexes qu'ils avaient connus au début de l'ère chrétienne, la lutte contre le paganisme. C'est à peu près la même chose et les mêmes modes de réflexion. Mais c'est-à-dire qu'à partir de du moment où ces catégories intègrent, si vous voulez, le lexique chrétien de l'altérité, il devient structurant pour toute l'histoire du christianisme et de son rapport à l'autre. Et effectivement, le premier réflexe des conquistadors d'abord qui débarquent sur ces terres inconnues, puis des théologiens comme Bartholomé de Las Casas qui essayent de faire sens de tout ça, c'est le parallèle, hein, comme vous le disiez avant aussi par rapport aux Vikings, c'est de dire, voilà, nous retrouvons ici tout ce que nous croyions disparu, tout ce monde englouti de l'Antiquité qui réapparaît tout d'un coup aux confins du monde. Alors effectivement, les conquistadors, quand ils arrivent, ce qu'ils trouvent, ce sont des idoles. Et de nouveau, ils font le parallèle avec les rites, les sacrifices, les formes de divination, les formes d'idolâtrie qu'ils connaissaient des auteurs comme saint Augustin. À quoi s'ajoute évidemment le fait qu'ils trouvent aussi au Mexique ou au Pérou des mosquées, parce que le souvenir de la Reconquista est encore assez frais dans la tête de ces hommes. Donc oui, ils réinventent complètement ce qu'ils découvrent. Ils réinventent ce qu'ils découvrent. Alors ça peut prendre différentes formes. Pour Las Casas, évidemment, le grand argument, c'est de dire que ce n'est pas parce que ces hommes sont dans l'ignorance de Dieu et donc ont sombré dans l'idolâtrie qu'on est en droit de les massacrer. Pour ses opposants, des hommes comme Sepúlveda, par exemple, effectivement, le fait que ces hommes aient sombré dans l'idolâtrie, en se fondant sur des passages de la Bible, du Deutéronome, est un argument pour dire qu'ils ne méritent même pas de vivre. Donc, effectivement, la controverse tourne autour de cette question. L'idolâtrie est-elle en fait une raison suffisante pour faire la guerre aux Indiens? Et Las Casas, célèbre comme étant le premier défenseur de la cause indienne, s'insurge contre cette idée et dit qu'effectivement le but de la mission chrétienne est de détourner d'une manière ou d'une autre ces Indiens idolâtres vers la vérité du Christ. Mais en évoquant tout cela, on pense tout de suite que ça structure une grande partie de notre histoire, parce que la lutte contre l'idolâtrie sous-tend la colonisation, pour simplifier les choses, et que dès lors, nous pouvons aller un peu partout dans le monde. Et vous, Daniel Barbu, dans votre analyse, vous englobez en fait l'ensemble des rencontres des chrétiens avec les autres religions. On peut même aller en Asie, on peut même aller au Japon. Ce sont toujours les mêmes procédures mentales, le même process mental d'analyse de l'altérité, de qui est l'autre et comment je me construis en regardant l'autre. Tout à fait. Après, selon les contextes, évidemment, les réactions de l'autre lui-même ne sont pas forcément les mêmes. On se trouve confronté à des sociétés, des civilisations qui sont parfois très inégales face aux chrétiens et parfois quand même dans des positions un peu plus fortes, comme au Japon, qui finira d'ailleurs par interdire les missionnaires chrétiens et tout étranger pendant plusieurs siècles suite à la christianisation partielle du sud de l'île. Parce qu'ils ont bien compris que ces missionnaires chrétiens créaient en fait une espèce de mouvement qui pouvait s'avérer aussi politiquement dangereux en prenant la subversion contre le shogunat. Donc les réactions face aux missionnaires chrétiens ne sont pas toujours les mêmes. Et après, un des principes qui s'établit dans ces contacts, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est celui de l'accommodation. C'est qu'il faut se faire un peu chinois pour que le message chrétien soit entendu en Chine, ou un peu japonais pour qu'il soit entendu au Japon. Et par répercussion, ça va créer un problème en Europe, parce que on pense par exemple à l'exemple des jésuites, qui se seraient fait presque un peu trop chinois. Et à la fin, on ne sait plus trop si ces jésuites qui prônent le christianisme en Chine sont en train de faire un christianisme sinisé, ou bien plutôt une espèce de religion de mix entre la religion chinoise et le christianisme, ou s'ils sont vraiment encore en train de prêcher un christianisme. Et là, effectivement, toute référence aussi en Chine au Dieu crucifié disparaît des manuels de catéchisme chrétien. Donc on voit bien ce principe d'accommodation à l'œuvre. Mais du coup, à Rome, tout le monde trouve ça très scandaleux. Enfin, ça commence quand même à poser un problème et ça finira par la querelle des rites à l'époque moderne et finalement à la décrédibilisation des jésuites. À tout ça se comprend sur le temps très long parce que nous voyons que les discours qui avaient lieu au tout début contre les dieux païens se répercutent ensuite lors de la rencontre avec les Vikings, lors de la découverte de l'Amérique et jusqu'en Asie. C'est un énorme voyage et c'est vrai que dans cette mythologie, nous avons celle du missionnaire, le missionnaire qui avance, le missionnaire qui va en Amérique. Mais c'était déjà le cas et c'est peut-être le même combat, le missionnaire qui parcourt les routes d'Europe et de Germanie, qui va lutter contre les païens. Cet univers un peu celte, un peu celtique que nous chantait Lorena McKennitt, Star of the Country Down. From a bar in green came a sweet Carlina. She smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself, for to see her was really there. From Bantry Bay to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Carlina. Young Rosie McGann from the banks of the Bann, she's a star of the county down. From Bantry Bay to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Carlina that I met in the county down. Sublime Lorena McKennitt, Star of the Country Down, qui nous conduit jusqu'au monde viking avec vous, Lucie Malbos. Nous écoutons cet univers, c'est vrai que c'est un univers qui fait maintenant partie de notre construction mentale, on a tout un fantasme, non mais autour de ça, les Vikings, ça évoque énormément de choses, et je vous l'ai promis, la voici, la lecture par Nathalie Canoui d'une ode, l'ode du roi Ragnar Lodbrog, c'est tiré des monuments de la mythologie, donc c'est une traduction du 18e siècle de 1787, mais lue aujourd'hui. Nous nous sommes battus à coups d'épée, mais je suis plein de joie en pensant qu'un festin se prépare pour moi dans le palais d'Odin. Bientôt, bientôt, assis dans la brillante demeure d'Odin, nous boirons de la bière dans les crânes de nos ennemis. Un homme brave ne redoute point la mort. Je ne prononcerai point des paroles d'effroi en entrant dans la salle d'Odin. Nous nous sommes battus à coups d'épée. Oh, si mes fils savaient les tourments que j'endure, s'ils savaient que des vipères empoisonnées me déchirent le sein, qu'ils souhaiteraient avec ardeur de livrer de cruels combats, car la mère que je leur ai donnée leur a laissé un cœur vaillant. Nous nous sommes battus à coups d'épée, mais à présent, je touche à mon dernier moment. Un serpent me ronge déjà le cœur. Bientôt, le fer que portent mes fils sera noirci dans le sang d'Ella. Leur colère s'enflammera. Et cette jeunesse vaillante ne pourra plus souffrir le repos. Nous nous sommes battus à coups d'épée dans 51 combats où les drapeaux flottaient. J'ai dès ma jeunesse appris à rougir de sang le fer d'une lance et je n'eusse jamais cru trouver un roi plus vaillant que moi. Mais il est temps de finir. Odin m'envoie ses déesses pour me conduire dans son palais. Je vais, assis, aux premières places, boire de la bière avec les dieux. Les heures de ma vie se sont écoulées. Je mourrai en riant. Une ode à un roi viking qui met tout de suite dans l'ambiance Lucie Malbos. Nous avons tout eu là, mais c'est vrai, hein, nous avons boire dans les crânes, nous avons le festin du sang. C'est ça un peu l'image qui s'est imposée du viking. Le viking est un gros barbare. C'est comme ça qu'on l'imagine. Comment elle s'est construite, cette image-là? C'est par le souvenir des peurs qu'ont provoqué l'arrivée des Vikings et des pillages et de toute la construction qui s'est faite autour de ça? Oui, alors effectivement, c'est cette image qu'on retrouve dans ce superbe poème où on a effectivement tout. On a tout, on a la violence du gros barbare, comme vous le dites. On a aussi le personnage qui est courageux et vaillant, qui est sans peur. Et donc effectivement, c'est une image qui s'est construite depuis la fin du 8e siècle, hein, depuis que les Vikings ont débarqué sur nos côtes et ont ravagé, pour commencer, nos monastères. Et donc bien les premiers à nous faire le récit de ces ravages, ce sont les moines, détenteurs de l'écrit à l'époque. Et donc ils nous font un récit très sombre. Alors effectivement, ça a été très violent, ils ont été pillés, massacrés, mais ils nous font un récit qui est amplifié aussi au service d'un message particulier. Il faut voir la volonté divine à l'œuvre dans tout cela. Oui, ça c'est un élément majeur dans l'analyse de toutes les formes d'idolâtrie, c'est que le discours que nous possédons aujourd'hui vient le plus souvent de ceux qui ont combattu. Ceux qui vénéraient les idoles, ceux qui ont gagné en fait. Et ça a effacé le plus souvent le discours du vaincu qui serait complètement différent. Alors malheureusement, nous n'avons pas le discours, alors je ne sais pas si on peut qualifier les Vikings de vaincus, mais d'un point de vue religieux peut-être, oui. Nous n'avons pas ou très peu, nous avons très peu leurs paroles. Les Vikings sont une société essentiellement orale et nous avons très peu de textes. Le poème que nous venons d'entendre est beaucoup plus tardif. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des textes qui sont pour la très grande majorité écrits dans un contexte de Scandinavie désormais chrétienne. Donc on a le point de vue des auteurs chrétiens sur leurs ancêtres païens. Et donc là aussi, il y a toute une reconstruction. Donc finalement, on a deux points de vue. Le point de vue des auteurs occidentaux contemporains, chrétiens, et le point de vue des auteurs scandinaves plus tardifs, chrétiens. Et avec vous, Lucie Malbos, nous allons regarder le regard porté aujourd'hui sur les Vikings à travers deux séries. Alors, il y a Vikings, parce que c'est anglo-saxon, on le prononce à la française, même si je suis normand, donc un peu viking, Vikings. Et sinon, nous avons Last Kingdom. Alors là, nous avons deux séries intéressantes, et pour donner tout de suite l'ambiance, nous allons écouter un extrait de Last Kingdom. J'ai vu l'agonie d'un roi. et avec lui son royaume. C'est à toi de commander. Ou traite de Bebbanburg. La guerre est imminente. En ce moment même, les Danois descendent en nombre vers le sud. Une fois que je m'en serai allé, mon fils aura besoin de vous, Uhtred. La santé du roi, elle se dégrade. Si la rumeur se répand, les ennemis du Wessex pulluleront. J'offre le désordre et la déloyauté envers Alfred. Le royaume du Wessex capitulera vite. Ah, la victoire! Mur de boucliers! Des rois mourront et d'autres seront couronnés. La couronne est ce qui surpasse tout. Je ne souhaite pas être au roi, père. Il s'agit de votre devoir. Ce soir, Uhtred, tu briseras le serment fait à Alfred. Je vous ai apporté la gloire. Tu dois défaire le passé. Tu dois anéantir Alfred. The Last Kingdom, le dernier royaume. Dites donc, Lucie Malbos, c'est étonnant de confronter la lecture qu'on peut entendre de Nathalie Canoui tout à l'heure d'un poème ancien sur les Vikings et ça, aujourd'hui, une série actuelle. Ça se ressemble beaucoup quand même. Ça se ressemble beaucoup. Ça reprend effectivement beaucoup d'anciens clichés sur ce fameux barbare. Ça se ressemble beaucoup et en même temps, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'il y a un contre-pied qui est pris puisque le personnage principal, cet Uhtred, est à l'origine un chrétien qui a été élevé par des Danois et qui s'est converti au paganisme à la suite de cette éducation. Donc on a un petit peu le cheminement à rebours de ce qu'on pourrait attendre. C'est très intéressant parce que pour l'historienne que je suis, ça nous renvoie à l'idée que la conversion au christianisme n'a pas suivi un cheminement linéaire, mais beaucoup plus un cheminement sinueux, fait de conversion, mais aussi de relapse, de discussion, de dialogue. Donc c'est le premier point qui est très intéressant. Et puis on retrouve effectivement tous ces clichés du barbare. Alors il y a une scène de bataille, on l'entend hein, dans cette bande-annonce. Et en même temps, Uhtred, c'est aussi le sauveur. Donc c'est le païen, mais c'est le sauveur. C'est celui qui doit intervenir et qui doit intervenir pour rétablir bien cet ordre, cette corruption. On entend que derrière, les chrétiens sont en train de se disputer pour le royaume. Et on retrouve ce vieux cliché qu'on a déjà dès les auteurs du 5e siècle, du barbare qui certes est païen, mais est libre, n'a pas de limite, connaît la justice face aux chrétiens corrompus, hypocrites. Et là aussi, on a ce jeu de miroir qui se construit. Et au 5e siècle, Salvien de Marseille ne nous dit pas autre chose à propos des barbares qui ont franchi le Rhin. Ils sont finalement plus libres, plus justes que nous. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi l'Empire est en train de se casser la figure. Et ils sont vaillants, en plus, ces barbares, qui est toujours un élément intéressant et fascinant. Ils sont vaillants. Ce qu'on retrouve également dans l'autre série dont vous allez nous parler, la série, alors là, je vais bien le dire, Vikings. Père Kepper. Qui a-t-il, frère Athelstan? Nous voyons tous les signes. Les signes? Quel signe? De quoi parles-tu? Vous savez aussi bien que nous que le jour du jugement dernier est arrivé. C'est ce que Matthieu a écrit. Et ce jour-là, le soleil s'obscurcira. Et la lune ne donnera plus sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel. Pour l'amour de Dieu, tais-toi, Athelstan. Mais c'est la vérité. Et il se tint sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes... Je ne veux plus entendre un mot. Retourne au dortoir sur le champ. Et prie que le Seigneur te pardonne ton manque d'humilité. Lorsque cet orage sera passé, tout redeviendra comme avant. Tais-toi et obéis à mes ordres. Oui, mon père. Un extrait de la série Vikings, où là, Lucie Malbos, nous avons un regard différent. Là, c'est le regard d'un moine sur ce monde viking. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce genre de série très contemporaine? Oui, alors, le regard du moine a beaucoup intéressé les scénaristes, hein, parce que dans les deux séries, il y a des moines et des moines qui sont en dialogue, en confrontation avec ces barbares païens. Ce qui est intéressant, c'est que les deux se posent des questions. Les deux s'interrogent, s'interrogent aussi sur les parallèles qu'ils remarquent, qu'ils constatent entre les deux religions. Et donc ce sont des personnages qui servent justement, tout à l'heure on parlait de passerelles entre les religions, ce sont ces personnages qui vont faire les passerelles entre les deux religions. Athelstan, là qu'on vient d'entendre, devient un très proche, un ami de Ragnar. Donc ce personnage, ce viking dont on a entendu la lecture du poème tout à l'heure. Et donc Il a été formé dans son monastère, il est dans ses convictions profondes chrétiennes, qu'il ne remet pas vraiment en question. Et puis le jour où il découvre un autre monde, où il découvre une autre culture, une autre religion, eh bien c'est ses convictions qui s'effondrent parce qu'il se rend compte qu'il y a autre chose qui est proche, qui n'est pas forcément toujours complètement faux, contrairement à ce qu'on lui a enseigné. Et il entre dans une période de crise mystique, de doute, dont finalement il sort renforcé. Il comprend mieux le sens de sa foi une fois qu'il a pu la décrypter à la lecture de ce paganisme nordique. Oui, le paganisme qui a été évidemment écrasé par les chrétiens, ou en tout cas présenté d'une image très très très sombre, et qui pourtant parfois peut rester parmi nous. C'est vrai que ce paganisme, je me tourne vers vous Daniel Barbu, peut être là au moment de Noël par exemple, et on n'y pense pas, mais il pourrait être là. Oui, c'est vrai que finalement tout ce qu'on disait jusqu'à présent, c'est surtout en se focalisant sur les textes et les discours des théologiens. Mais ce qu'on se rend compte souvent en histoire, c'est que la réalité du terrain est beaucoup plus complexe que ces textes qui sont construits dans une opposition radicale à l'autre, au paganisme, au judaïsme, à l'hérétique. Mais qu'en fait, ce qui se passe véritablement, comme vous le disiez tout à l'heure à propos du commerce dans les ports de la mer du Nord au Moyen-Âge, est beaucoup plus complexe, fait de négociations, d'interactions, d'acculturations et d'appropriations. Et finalement, il y a énormément d'éléments aussi de ces cultures qui préexistent avant le christianisme, qui sont là, qui restent, qui demeurent dans des traditions locales, des traditions. Alors on change, on invente le culte des saints, il y a beaucoup de choses qui se transforment, mais les arbres, que ce soit dans le monde du Nord comme dans le monde de l'Europe, restent un élément symbolique central dans la vie religieuse au Moyen-Âge, jusqu'à notre arbre de Noël, qui est quand même présent encore aujourd'hui dans une France laïque, devant chaque mairie, au moment de Noël. Oui, c'est ça. Hein. Toutes les fontaines miraculeuses doivent avoir un petit rapport avec un druide quelque part, et le paganisme n'est jamais très très loin. Mais notre idole de ce matin, notre divinité n'est pas un arbre, non, notre divinité a un journal avec elle. C'est Anaïs Quien qui nous rejoint pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous nous proposez 50 nuances de jaune. Et oui, après le bleu, le noir, le vert et le rouge, Michel Pastoureau s'intéresse à l'histoire du jaune, cinquième volet de son histoire des couleurs dans les sociétés européennes. Le jaune, cette couleur qui s'inscrit avec fracas dans l'actualité depuis le début de la révolte antifiscale. D'ailleurs, l'ouvrage sort aujourd'hui à 48 heures de l'acte 47 du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes annonçaient une mobilisation historique à Paris pour leur acte 45. Du coup, Paris a pris des allures d'une capitale quadrillée par 7500 policiers et gendarmes, avec plus de 1300 contrôles préventifs, 90 personnes interpellées, 104 personnes verbalisées dans des périmètres interdits. Le jaune s'incarne avec flamboyance dans les cultes solaires. Si Hélios est un dieu de second ordre dans le panthéon grec, Apollon, le dieu solaire par excellence, incarne tout à la fois la jeunesse, l'énergie et la beauté. Le jaune se fait entêtant depuis quelques mois, s'intéresser à cette couleur, c'est se proposer pourtant une tâche difficile, tant elle se fait discrète dans l'histoire. Discrète si ce n'est cette catégorie exceptionnelle occupée par l'or, véhicule d'une nuance éclatante dont le prestige lui confère un caractère divin. Michel Pastoureau note cependant la disparition du jaune dans la Bible et les écrits des premiers pères de l'Église, démontrant à quel point la couleur est une construction culturelle. Valorisée dans un premier temps, présente sur les premières peintures pariétales connues à Chauvet ou à Lascaux, ou encore dans les vêtements portés à Rome dans l'Antiquité, le jaune devient le mal-aimé de la palette chromatique. Dans les enquêtes d'opinion, quand on demande quelle est votre couleur préférée, le jaune, c'est moins de 3% des réponses, c'est la dernière des couleurs parmi les 6 couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Le jaune vient en dernier comme couleur préférée, et il faut bien reconnaître que dans notre vie quotidienne, dans nos habitations, dans le spectacle de la rue, en Occident en tout cas, le jaune est très peu présent. La valeur symbolique du jaune semble donc nulle jusqu'à l'apparition des blasons au XIIe siècle et avec eux son ambivalence persistante. Au Moyen-Âge, sa charge vicieuse prend de l'ampleur jusqu'au déséquilibre qui le condamne et le rend synonyme de souillure. Le jaune devient la couleur de l'ennemi intérieur et d'une menace à circonscrire. Parmi les sept péchés capitaux, elle incarne l'envie et ses cousins, jalousie, mensonge et hypocrisie, puis la lâcheté, le déshonneur, jusqu'à la trahison. Dans le roman de Renard, le roux malicieux adopte cette couleur pour poursuivre ses fourberies en toute quiétude. C'est bientôt la couleur de l'hérésie, on marque les maisons protestantes de jaune. Michel Pastoureau remet cependant en doute l'authenticité du jaune comme couleur distinctive exclusive des populations juives. Toutes les couleurs, à l'exception du bleu, sont utilisées dans l'espace public pour signaler les confessions minoritaires au XIIIe siècle, bien avant que cette couleur ne devienne un des symboles de l'extermination des juifs d'Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Si le goût des couleurs est histoire de culture et de symboles, c'est aussi un territoire affectif. Par exemple, Michel Pastoureau raconte sa répugnance pour la couleur violette au micro de Laure Adler en 2010. Quand nous étions enfants et que nous allions chez notre grand-mère, qui habitait boulevard Raspail, il y avait à l'appartement au-dessus une très méchante femme qui détestait les enfants et qui nous grondait tout le temps. Et cette femme avait constamment sur la tête une espèce de turban, chapeau, couvre-chef de couleur violette. Et il n'est pas impossible, en faisant de la psychanalyse à la petite semaine, que mon aversion pour le violet vienne de cette méchante femme qui m'avait réprimandé parce que je voulais prendre l'ascenseur tout seul, parce que je jouais dans la cour, que je faisais du bruit. Voilà. Couleur de la souillure et de la stigmatisation, couleur de signalisation par excellence du fait de sa tonicité, trop éclatante pour être élégante dans un vestiaire occidental morose, le jaune pourrait malgré tout sortir du purgatoire chromatique, selon Michel Pastoureau, et perpétuer son histoire tourmentée. Sa dévaluation semble en perte de vitesse, au moins dans le champ politique. Le jaune a été choisi par le mouvement Cinque Stelle en Italie et bien sûr par les gilets jaunes, devenant la couleur des hors-système par excellence. Le jaune de Michel Pastoureau en librairie. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Merci beaucoup Daniel Barbu, merci beaucoup Lucie Malbos de nous avoir éclairé sur la nécessité de regarder hors du monothéisme pour mieux comprendre le monothéisme. L'aventure du cours de l'histoire continue. Demain, journée actualité, demain nous allons nous intéresser aux 70 ans du régime communiste en Chine bien sûr, alors que les manifestants qui défendent la démocratie reçoivent des balles à Hong Kong. Et nous allons également parler, alors là c'est autre chose, des prisons de la foi, l'enfermement des minorités 16e siècle, 18e siècle. Ah bah tiens, si, on pourra reparler de la Chine et notamment des Ouïghours, le cours de l'histoire. Une émission préparée par Camille André, Marion Dupont, Anne Toscane Viudès, Alice Rouet. Des émissions qui peuvent être réécoutées sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast.